En 50 ans, la qualité du sperme humain a diminué de 50% et le volume séminal d'un quart. Le nombre de spermatozoïdes mal formés, lui, également en nette augmentation. En France, le nombre de couples n'ayant pu concevoir après 12 mois sans contraception a doublé en 20 ans, passant à 24% en 2012. Si l'on ajoute à cela les cas de puberté ou de ménopause précoce, il semble indiscutable que la fertilité subisse des changements rapides à l'échelle de l'humanité. Faut-il parler de crise de la fertilité ? Notre avenir proche est-il celui dépeint par Margaret Atwood dans son roman « La servante écarlate » ? Fertilité, la chute libre, c'est la question que nous allons examiner dans l'heure qui vient. Bienvenue dans la méthode scientifique. Voilà, pour comprendre l'ampleur de cette crise, pour savoir si l'on peut parler effectivement d'une crise de la fertilité, qui ne semble pas être le propre de l'être humain d'ailleurs, comme nous allons le voir au cours de cette heure, pour voir également dans quel sens les chercheurs travaillent pour essayer d'y remédier, eh bien nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Rémi Slama. Bonjour. Bonjour. Vous êtes épidémiologiste à l'INSERM, président du conseil scientifique du programme national de recherche sur les perturbateurs endocriniens. Vous venez de publier « Le mal du dehors, l'influence de l'environnement sur la santé », c'est aux éditions Quae. Et nous sommes en duplex depuis les studios de nos camarades de France Bleu Armorique à Rennes avec Bernard Jégou. Bonjour. Bonjour. Vous êtes directeur de recherche à l'INSEM, également directeur de la recherche à l'école des hautes études en santé publique. Vous pouvez suivre, comme chaque jour, cette émission sur les ondes de France Culture et sur notre fil Twitter, où nous vous posterons tout au long de l'heure un certain nombre d'études auxquelles nous allons faire allusion, de compléments d'informations, de schémas aussi illustratifs qu'instructifs. C'est sur le compte @laméthodefc. L'air était contaminé par des poisons chimiques et des radiations. La pluie se chargea de molécules toxiques. Ces poisons polluèrent les cours d'eau et finirent par contaminer les gens. Et le résultat fut la stérilité. Aujourd'hui, une femme seulement sur 100 peut encore concevoir et enfanter. Certaines femmes ne le voulurent pas parce qu'elles ne voyaient plus d'avenir. Elles refusèrent, oui, refusèrent d'avoir des enfants, refusèrent même d'essayer. Elles étaient la honte de l'humanité. Des bonnes à rien. Voilà un extrait de la dystopie adapté du roman de Margaret Atwood par Volker Schlöndorff, en l'occurrence excellente adaptation récente en série également de La Servante écarlate, qui postule un monde où la fertilité s'est littéralement effondrée et qui bascule dans une dictature de la reproduction. Alors le roman de Margaret Atwood date de 1985. Était-elle visionnaire ou est-ce que les inquiétudes sur la chute de la fertilité remontent en effet déjà à cette époque, Bernard Jégou? Alors, je crois que grâce à la chance que nous donne France Culture, Rémi Slama et moi-même, on résistera à la tentation de la simplification et de l'extrapolation. Bien entendu, c'est ce que nous attendons de vous. Ouais, c'est vrai qu'il y a un certain nombre d'indicateurs que je qualifierais de quantitatifs, par exemple la concentration des spermatozoïdes dans le sperme humain en certains endroits du monde, qui évoquent une érosion, une baisse. De là à extrapoler de ces chiffres à une baisse de la fertilité humaine, il faut prendre garde dans la mesure où on sait depuis au moins deux siècles, c'est ce qu'on appelle la transition démographique, que quel que soit le pays, la région, la culture, la religion, statut socio-économique, avant même d'ailleurs que la contraception apparaisse, eh bien le couple contrôle le nombre d'enfants sur une tendance qu'on n'a pas fini encore d'élucider. Donc, quelle est la part de l'environnement là-dedans? C'est une des grandes questions, bien sûr. Et j'ajouterais que, effectivement, il y a des inquiétudes sur la fertilité, mais les données claires sont du côté masculin et pas réellement du côté des couples pour lesquels on a finalement très peu de suivi. Vous citiez en ouverture que le nombre de couples sans conception en 12 mois de tentative aurait doublé en 20 ans. À ma connaissance, on n'a pas de données aussi précises, parce que si la proportion de couples qui n'arrivent pas à concevoir en un an de recherche est effectivement de l'ordre de 20 à 25% aujourd'hui. Les chiffres de diverses études de l'INSERM l'indiquent. On n'a pas vraiment de données comparables sur la situation il y a quelques décennies. Alors moi j'ai une étude justement que je citais avec un peu plus de détails qui date de 2012 et qui me disait qu'en 1991, donc 20 ans auparavant, ce taux donc de couples n'ayant pas réussi à concevoir un enfant après 12 mois d'interruption de contraception était de 14% et qu'il serait en 2012 à 24%, donc pas tout à fait doublé, mais tout de même enfin une augmentation significative. Je dirais qu'on a, il ne s'agit pas d'études qui sont faites exactement sur les mêmes méthodologies. La plupart des études anciennes s'appuyaient sur une approche qui consiste à interroger les femmes qui viennent d'accoucher, qui ratent un peu une part du problème, bien évidemment, puisque ceux qui n'arrivent pas à avoir d'enfants ne sont pas dans ces études. Donc, taux de 14% au début des années 90 est à comparer à d'autres études qui seraient vraiment similaires et qui, à ma connaissance, sont pas disponibles de manière très précise. Mais je répète que sur le côté masculin, on a des indicateurs qui sont suivis dans différents pays et des données qui concernent notamment la France et qui montrent clairement des inquiétudes. Et ces indicateurs, c'est en premier plan le taux d'incidence du cancer du testicule, donc qui concerne vraiment la sphère reproductive, qui est un cancer de l'homme jeune avec un pic qui est entre 30 et 35 ans et dont l'incidence, le nombre de nouveaux cas augmente chaque année de 2,5%. 2,5%, ça semble pas énorme, mais quand on cumule sur une trentaine d'années, en fait, ça fait un doublement du risque. Ça veut dire que un homme jeune aujourd'hui a deux fois plus de risque de développer cette maladie que son père. Et il y a aussi des données qui sont moins complètes parce qu'on ne suit pas les paramètres de fertilité comme on suit le cancer, mais qui suggèrent que en France, ça c'est l'étude notamment de Joël Lemoyle, et dans d'autres pays du monde, il y aurait un déclin effectivement de la concentration spermatique. Ça, vous l'avez évoqué. Alors, on va revenir précisément sur ces quelques notions ou ces quelques études épidémiologiques pour voir ce qu'elles en disent et puis de quoi on parle exactement quand on parle de concentration spermatique, de qualité du sperme. J'aimerais peut-être avant cela qu'on pose deux, trois jalons assez simples parce qu'on parle de fertilité, d'infertilité, de fécondité, de stérilité, de quoi il est question ? Est-ce qu'on peut juste bien définir ces termes pour être d'accord sur ce dont on va parler tout au long de cette heure, Bernard Jégoux ? Alors, il y a différentes terminologies sur la fécondité, la fertilité. Je pense que Rémi pourra être plus précis que moi là-dessus. Je voudrais simplement abonder sur ce qu'il a dit. Le projecteur ont été braqués chez les hommes. Il y a encore des études du chemin à parcourir, notamment parce qu'il y a des grandes différences géographiques à l'intérieur même d'un pays. Par exemple, à Lille, il y a plus de spermatozoïdes, d'après les Sécos, qui ont des méthodes très très calibrées, qu'à Toulouse, notamment. Maintenant, je vous le dis, la relation avec la fertilité. Et puis, pour ce qui concerne la femme, pour rebondir sur ce qu'il disait Rémi, un facteur dans les pays développés, et notamment en France, on commence à le voir, c'est que l'augmentation de l'âge moyen de procréation chez les femmes, du fait de leur engagement dans la vie professionnelle en particulier, se traduit par une durée entre le moment où on décide d'avoir un enfant et le moment où on est enceinte, qui est tendanciellement plus longue. Donc, il y a tout un ensemble à intégrer sur ces notions, donc effectivement, de fertilité, de fécondité, etc. Mais la fertilité, c'est effectivement l'aptitude biologique à procréer. C'est un potentiel biologique pour le couple qu'il faut distinguer de la fécondité, qui est là le nombre d'enfants par femme, qui en France est de l'ordre de 2 et qui, comme l'indiquait Bernard Jégoux, est quelque chose qui dépend beaucoup de paramètres très socioculturels et qui est donc a priori moins sensible à des influences extérieures que, enfin en tout cas des influences chimiques ou des facteurs de risques comportementaux que cette fertilité. Et un indicateur important aussi, c'est ce qu'on appelle l'infécondité involontaire, c'est-à-dire le fait de ne pas réussir à obtenir de grossesse. On parle souvent d'infécondité involontaire de 12 mois, c'est-à-dire ça désigne la proportion de couples qui n'ont pas de grossesse au bout de 12 mois de tentative. Et a priori, c'est là où on est dans cette fourchette de 20 à 25% des couples aujourd'hui en France. Au bout de 2 ans, cette infécondité involontaire est plutôt de l'ordre de 8 à 10%. Et c'est bien cela qu'il faut corréler, comme le disait Bernard Jégou, avec l'augmentation de l'âge du premier enfant, puisque aujourd'hui, on peut redonner aussi peut-être quelques indications. Les pics de fertilité chez l'homme et chez la femme, eux, n'ont a priori pas vraiment bougé. Rémi Slama. Oui, effectivement, chez la femme, notamment, à partir de 35-40 ans, le potentiel de fertilité diminue, la réserve ovarienne diminue, et à partir de 45 à 50 ans, il est plus possible d'avoir des enfants sans assistance médicale. Chez l'homme aussi, il y a probablement un lien entre l'âge et la fertilité, même si la dégradation des caractéristiques spermatiques est beaucoup plus lente, et on a des exemples très fameux d'hommes qui ont conçu au-delà de 60 ou 70 ans. Donc effectivement, ces facteurs sociodémographiques, ils sont très importants. Henri Léridon de l'INED avait par exemple montré que si on décale à partir de la population française, on augmente de 2,5 ans l'âge au début d'une recherche de grossesse, eh bien la fécondité, le nombre d'enfants va diminuer légèrement d'environ 5%, alors que le nombre de couples qui sont éligibles pour une assistance médicale à procréation va augmenter de l'ordre du tiers. Vous me corrigez l'un et l'autre, Bernard Jégou, Rémi Slama, si je me trompe. Aujourd'hui, l'âge moyen du premier enfant est de 28 ans et demi. Il était, il y a une vingtaine d'années à 24 ans, c'est cela ? C'est cela. Alors, bien sûr, là aussi, ça, c'est une moyenne nationale, ça dépend des catégories socio-économiques, etc. Mais c'est la tendance générale. J'ajouterais que dans un couple, la responsabilité, ça, c'est la grosse découverte historique, entre guillemets, du siècle dernier, parce que les préjugés étaient forts. Mais dans un couple, sur 100%, je dirais, il y a 40% dans une infertilité dans le couple de cause féminine, il y a un peu plus de 30% de cause masculine, et le reste, c'est que l'homme comme la femme ont un bémol, si je puis dire, sur leur fertilité, que l'addition des soucis se traduit par des difficultés à procréer. Donc alors, une sorte de co-responsabilité. Une co-responsabilité, absolument. Et alors, pour bien continuer le vis-à-vis qui a été amorcé par Rémi, le stock d'œufs, d'ovocytes, est fixé au cours de la vie fœtale dans l'ovaire de la femme, alors que le nombre de spermatozoïdes, la production de spermatozoïdes démarre au moment de la puberté chez l'homme, et est un phénomène massif. Chaque battement de cœur, environ 1500 à 2000 spermatozoïdes de produits, et qui globalement se poursuit tout au long de la vie. Avec quand même ces bémols, cette découverte aussi relativement récente, c'est qu'on sait qu'une femme au-delà de 40 ans, vous voyez, on lui demande de faire une amniocentèse obligatoire pour voir s'il n'y a pas une augmentation du risque de trisomie, etc. Chez l'homme, on pensait que l'homme, il y a beaucoup d'exemples, comme disait Rémi, d'hommes anciens dans l'histoire, et y compris dans la vie contemporaine, qui ont eu des enfants, mais on réalise qu'un vieux spermato, il peut être fécondant, mais augmenter aussi le risque de problèmes qualitatifs chez le conceptus, chez le fœtus, etc. Peut-être qu'on peut justement rebondir sur ce que vous venez de dire aujourd'hui pour définir ce qu'on entend aujourd'hui par baisse de la qualité spermatique. Est-ce que c'est une baisse à la fois quantitative et qualitative? Est-ce que on parle de malformation des spermatozoïdes? On parle de spermatozoïdes moins mobiles? Est-ce que on peut faire un tour de ce que l'on entend quand on parle de cette baisse, Bernard Jégou? Oui, alors c'est vraiment un tout. L'analyse du sperme, c'est regarder le nombre, c'est regarder le volume aussi, parce que là, il y a la concentration, c'est-à-dire le nombre de millions par millilitre, mais il y a le volume total. Ça se chiffre en centaines de millions dans un éjaculat. Éjaculat, d'ailleurs, qui peut être de qualité différente chez le même homme d'un jour à l'autre. Il peut y avoir jusqu'à 70% de différence de nombre de spermatozoïdes en fonction du jour où le prélèvement et des conditions du prélèvement. Mais c'est pas seulement le chiffre, le nombre, c'est la mobilité, c'est aussi, comme vous le dites, la morphologie, la qualité. Et pour tout ça, il y a des tests. Alors sur les études qui rétroactivement se sont penchées sur ce que j'appelle la paléospermatologie, parce que les chiffres qui le plus souvent sont utilisés dans les études sont des chiffres qui figurent dans des cahiers de laboratoire qui sont dans des tiroirs, qu'on réactive, et c'est évidemment important de le faire. Mais ces chiffres, autant déjà, c'est difficile sur la quantité intrinsèque de faire ces études rétrospectives, autant sur les paramètres qualitatif, mobilité, morphologie, ça devient encore plus compliqué parce que les méthodes varient d'un laboratoire à l'autre. Mais certaines études ont montré, Paris Intramuros par exemple, que la mobilité pouvait diminuer, tout comme la concentration. Est-ce qu'on a, alors je le disais, hein, tous les chiffres que je citais dans l'introduction de cette émission sont fondés sur les études dont on dispose aujourd'hui et que j'ai pu compulser pour préparer cette émission. On parle d'une diminution du nombre de spermatozoïdes de 50% en 50 ans. C'est une proportion qui vous semble acceptable, raisonnable dans la mesure des chiffres dont vous disposez l'un et l'autre, Bernard Jégou? Alors, quand je parle de paléospermatologie, c'est par analogie à la paléontologie. Dire, parce qu'il y a un gros débat, bien sûr, dans la communauté scientifique, mais dire que les fossiles ne représentent pas la vie actuelle, bien évidemment. Mais de nier qu'en paléontologie, leur étude permet de comprendre le vivant et l'évolution aujourd'hui, c'est une évidence aussi. Donc, en paléospermatologie, c'est la même chose. Certes, les données rétrospectives, puisque c'est de ça qu'il s'agit dans la plupart des cas, sont quelquefois fragiles. En gros, le fossile, les données du passé sont difficiles à rassembler, à analyser. Mais en même temps, se priver de cet instrument pour avoir une idée de l'évolution de la production spermatique et peut-être de la fertilité humaine, ce serait une erreur. Donc, la grande difficulté, c'est donc des études rétrospectives. L'autre grande difficulté, c'est qu'on travaille sur des moyennes, sur un pays. Comme je vous le disais tout à l'heure, ça peut changer d'une région à l'autre ou d'un pays à l'autre. Il y a des très belles études qui le montrent. Et donc, quand on effectue ce travail, moi, j'ai toujours la même réflexion, c'est de me dire que c'est hyper utile. Il y a des études, notamment une qui a été citée par Rémi, qui sont de qualité. Maintenant, pour dépasser le côté études rétrospectives, il faudrait des études prospectives. Peut-être que Rémi peut en dire plus là-dessus, puisqu'il y a quelques exemples, notamment à Copenhague et à Turku, en Finlande. Oui, je voulais aussi revenir sur le lien quand même entre ces paramètres masculins, spermatiques, et la fertilité des couples. Parce que finalement, ce que les couples ressentent, ce dont ils souffrent, c'est d'une éventuelle absence de conception. Et s'ils obtiennent une grossesse malgré des caractéristiques spermatiques qui peut-être semblent faibles pour le médecin, à la limite, il n'y a pas de problème pour eux. Et il faut savoir qu'en fait, la relation entre ces paramètres spermatiques et la fertilité du couple, elle est un petit peu complexe parce que c'est une relation qui est pas linéaire. C'est-à-dire que si vous êtes dans la gamme où il y a 100 à 200 millions de spermatozoïdes par millilitre, les variations sont à peu près sans impact sur le délai que le couple va mettre pour obtenir. 100 à 200 millions, c'est beaucoup, hein, c'est la moyenne haute. Ce sont des valeurs élevées, oui, qu'on observait dans les études dans les années 40 de façon très courante. Maintenant, c'est quand on arrive à des valeurs de l'ordre de 30 à 40 millions de spermatozoïdes par millilitre. 30 à 40 millions, c'est un chiffre énorme, mais en fait, du point de vue de la probabilité de grossesse, on commence à voir doucement la probabilité de grossesse du couple qui va diminuer, et donc le délai pour obtenir une grossesse qui augmente. Et donc l'important, c'est pour savoir et connaître les conséquences de cette diminution de 50% de la concentration spermatique que vous évoquiez, c'est en fait de savoir la proportion d'hommes qui sont dans cette gamme dangereuse, je dirais, inférieure à 30 ou 40 millions. Et là, il semble que, en tout cas, les données qu'avaient recueillies Pierre Joannet, Jacques Auger du CECOS, du Kremlin-Bicêtre, il y a quelque temps, et puis tous leurs collègues des banques de sperme françaises et à l'étranger, indiquent que la proportion d'hommes qui sont dans cette gamme avec des spermatozoïdes qui sont en concentration inférieure à environ 30 millions par millilitre, augmente. Dans un pays comme le Danemark, aujourd'hui, il y a 20% d'hommes jeunes qui sont en dessous de 20 millions, qui est vraiment une limite très basse. Une valeur basse. L'OMS met 15 millions comme étant le seuil entre 15 et 200 millions, si vous m'arrêtez si je me trompe, comme étant le seuil, entre guillemets, dit de la normalité, si tant est qu'on puisse utiliser ce mot-là. J'avance avec beaucoup de précautions. C'est une remarque très intéressante, parce qu'en fait, le problème, c'est que L'OMS a, dans ce domaine-là, tendance à définir la normalité en regardant la distribution des valeurs et en disant, voilà, les 10% d'hommes avec les concentrations, les 10 ou 20% avec les concentrations les plus faibles, je vais définir ça comme le seuil de la normalité. C'est-à-dire que c'est un seuil qui bouge au cours du temps. Il y a quelques dizaines d'années, en fait, ce seuil de la normalité pour l'OMS était plutôt de l'ordre de 30 ou 40 millions. Donc, en fait, c'est important de regarder les vraies valeurs qui sont derrière ces seuils, parce que les seuils peuvent avoir tendance à varier et à être fixés de manière différente au cours du temps. Du coup, je vous ai interrompu avec cette histoire de l'OMS parce que vous étiez sur cette étude du Danemark et vous vouliez compléter certainement votre propos à ce propos-là. Oui, au Danemark, c'est un des pays où on a des données complètes, les plus complètes sur la fertilité, en tout cas masculine, et ils sont dans la situation où effectivement il y a 20% d'hommes avec une concentration inférieure à 20 millions de spermatozoïdes par millilitre et donc avec un potentiel de fertilité décrue, où le taux de cancer du testicule est tel qu'environ un homme sur 100 le développera au cours de sa vie, et où le taux de certaines malformations des organes reproducteurs masculins, comme la cryptorchidie, c'est-à-dire l'absence de descente d'un des testicules à la naissance dans les bourses, est aussi relativement élevé, probablement supérieur à 5 naissances sur 100 garçons. Ça, ce sont des données épidémiologiques sérieuses et fermes que l'on a. J'aimerais vous poser deux questions. Oui, Bernard Gégou, vous vouliez réagir ? Oui, je voulais rajouter une chose. La première, et bien sûr, je corrobore absolument tout ce qu'il dit Rémi, avec juste une petite nuance. On parle du Danemark, mais en fait, l'étude a été faite à Copenhague. Et il est très important... Que ce soit un grand centre urbain, que c'est voilà. Significatif, bien sûr. Pardon, je vous ai interrompu du coup. Non, je voudrais juste qu'on dise peut-être deux mots, parce qu'on parle là encore une fois des données épidémiologiques que l'on a sur les problèmes de fertilité ou en tout cas de qualité spermatique masculine. Donc, est-ce qu'il existe des données épidémiologiques sur la fertilité féminine, puisque vous signifiez tout à l'heure, Bernard Gégou, que dans les cas de problématiques de conception, 30% ou 40% seraient d'origine féminine. Est-ce qu'aujourd'hui on a des données fiables qui nous permettent de dire s'il y a un problème ou des problèmes qui soient liés à différentes causes, quelles qu'elles soient d'ailleurs, Bernard Gégou ? Oui, alors à l'endomètre, à l'ovulation, voilà. Enfin à toutes ces choses-là. On parle beaucoup de l'endométriose. Juste un tout petit point historique, ce qui est très intéressant, c'est que les percées les plus incroyables fin du 19e, 20e siècle se sont faites sur le volet féminin de la fertilité. À ça, un grand nombre de raisons. Bien sûr, l'idée que la fertilité humaine reposait sur la femme, donc il fallait l'étudier. Puis aussi des raisons complètement indépendantes à caractère zootechnique. Je prends juste un exemple, un troupeau de moutons. Si vous voulez les inséminer toutes les brebis, vous avez intérêt à synchroniser les cycles et du coup il y a eu un énorme investissement sur les profils hormonaux, etc., etc. Et puis les choses ont changé. Et si on regarde aujourd'hui, alors c'est l'apparition du concept de perturbation endocrinienne au début des 90, mais si on regarde aussi pratiquement comment développer des études chez la femme ou chez l'animal de sexe femelle, c'est beaucoup plus compliqué en fait. C'est beaucoup plus compliqué, ce qui ne doit pas être une excuse bien sûr pour ne pas accélérer les recherches. Mais en réalité, les progrès des dernières années ont permis de telles percées côté masculin qu'on est à la traîne, il faut bien le dire aujourd'hui, sur le côté féminin. Il y a quelques pathologies sur lesquelles on a donné. Celles pour lesquelles les données sont claires, c'est le cancer, parce que là, on dispose de registres, c'est-à-dire un enregistrement systématique des pathologies. Et là, il n'y a pas d'inquiétude concernant des tendances qui iraient dans le mauvais sens, je dirais, pour les cancers de la sphère gynécologique. Ce qui ne veut pas dire qu'il n'y a pas beaucoup de ces cancers et qu'on ne peut pas s'interroger sur leurs causes. Du point de vue des pathologies, on a les autres pathologies non cancéreuses, on n'a pas d'enregistrement systématique, mais il y a effectivement des inquiétudes sur des pathologies qui sont liées à des troubles de fertilité, et notamment l'endométriose. L'endométriose dont on parle beaucoup aujourd'hui et qu'on a l'impression de découvrir depuis quelques années, alors que c'est manifestement une pathologie qui existe depuis fort longtemps. Oui, et qui pourrait toucher environ 10% des femmes aujourd'hui, mais on a vraiment peu de données qui nous permettent de remonter dans le temps. Il faut réaliser qu'en France, il n'y a pas d'enregistrement systématique de toutes les pathologies. On enregistre maintenant bien les prescriptions médicales, mais pas systématiquement les pathologies. Et il y a d'autres indicateurs qui vont commencer à devenir plus accessibles, mais qui nécessitent, comme le disait Bernard Jégou, des études qui sont quand même beaucoup plus poussées, voire invasives. Mmh. Bon, avec des échographies, on peut quantifier la réserve ovocytaire. C'est donc quand même beaucoup plus compliqué que de faire une analyse spermatique. Mais c'est possible et on peut espérer qu'il y aura des études dans le futur sur les facteurs de risque de cette réserve ovocytaire diminuée. Mais on peut rappeler, pour illustrer ce qui vient d'être dit par Bernard Jégou, que dans le cas de l'effet du distilbène sur la santé, cet œstrogène de synthèse qui avait été prescrit aux femmes enceintes qui a suscité beaucoup de cancers, de répercussions, voilà. De scandales sanitaires. Les premiers signaux, c'était sur des cancers gynécologiques qui survenaient chez des femmes très jeunes, à un âge où normalement ils ne survenaient pas. Et on s'est rendu compte que ces petites filles distilbènes, entre guillemets, comme on les appelle parfois, avaient aussi des problèmes de fertilité, mais qui étaient liés à des anomalies utérines, cet utérus en T qui rend beaucoup plus difficile l'obtention d'une grossesse. Mais ces anomalies n'ont été détectées qu'à partir du moment où ces femmes ont atteint l'âge d'obtention d'une grossesse et ont cherché à avoir une grossesse, parce qu'elles ne sont pas... Et elles ne sont pas recherchées systématiquement à la naissance. Une dernière question, et puis on va entendre un reportage sur une pathologie bien précise. Mais avant ça, j'aimerais vous poser une question, puisqu'on parle en l'occurrence de la fertilité humaine. Est-ce qu'il y a d'autres études qui pourraient nous renseigner par ailleurs sur notre fertilité humaine à nous, qui tentent à prouver que cette baisse de la fertilité se retrouve aussi chez d'autres espèces animales, Bernard Jégou? Alors, c'est ce que on appelle les espèces vigies ou les espèces sentinelles. En réalité, en examinant très attentivement la littérature, cette question d'observer les espèces sauvages, par exemple, pour en tirer des enseignements sur l'évolution de la fertilité humaine, elle est extrêmement ardue. Je prends le cas, par exemple, des panthères de Floride, dont on pensait que la diminution du nombre d'animaux était liée aux perturbateurs endocriniens. Aujourd'hui, on sait que la réintroduction de panthères qui viennent de Californie a permis de relancer complètement le groupe animal, tout simplement parce que dans son écosystème, la consanguinité était devenue très très forte. Donc, je dis souvent, la fertilité des espèces dans le milieu naturel est suffisamment importante en elle-même par rapport à la biodiversité qu'il n'est pas obligatoire, lorsqu'on étudie, de justifier ces études par la nécessité d'avoir des espèces sentinelles pour l'homme, même si le concept est intéressant. Autrement, chez l'animal, bien sûr, il y a les études qui sont faites en laboratoire, et là, il y a de multiples modèles animaux qui montrent que des agents exogènes, que ce soit les radiations, que ce soit les produits chimiques, le stress même peut modifier fortement non seulement la fertilité, mais aussi, par exemple, la relation entre la mère et le petit à la naissance. Oui, ces études de toxicologie sont effectivement très importantes, ainsi que les observations dans la faune, c'est l'écotoxicologie. Mais il faut se rappeler que en fait, l'espèce humaine est une des plus sensibles ou une des plus fragiles. Elle part du niveau le plus bas par rapport aux autres mammifères ou à d'autres espèces en termes de fertilité. Si vous regardez les anomalies morphologiques sur les spermatozoïdes du lion, vous en trouvez à peine. Ça va peut-être concerner un spermatozoïde sur 100. Chez l'humain moyen et fertile, ça va plutôt concerner la moitié, les deux tiers, voire davantage de ces spermatozoïdes. Le taux de fausse couche est beaucoup plus élevé chez l'humain. Le fait qu'il faille souvent plusieurs cycles, en moyenne, il faut trois cycles pour que la moitié, sur 100 couples, la moitié conçoive. Ça, c'est quelque chose de très lent par rapport à beaucoup d'autres espèces qui, en gros, après un ou deux rapports sexuels, obtiennent une grossesse. Donc, il faut rappeler qu'on est une espèce extrêmement particulière du point de vue de la fertilité. On peut d'ailleurs préciser quelque chose d'intéressant et d'important à savoir, c'est que nous sommes l'une des seules, des rares espèces de mammifères pour qui la femelle a un cycle de ménopause. Ça se trouve, je crois, chez deux mammifères marins, les orques et le globicéphale. C'est une particularité. Non, mais c'est intéressant parce que c'est une particularité qui est, en termes évolutifs, assez contre-intuitif, Rémi Slava. Oui, ou non, Bernard Jégou, oui. Oui, juste pour dire que c'est vrai, le paradoxe, et là aussi, ce que dit Rémi est parfaitement exact, ou même Monsieur Martin. Mais le paradoxe, c'est que c'est la prolificité et le succès de la reproduction humaine qui a mis en danger la reproduction de toutes les espèces avec cette baisse vertigineuse de la biodiversité. Quant à la ménopause, vous faites parfaitement bien de le dire, les chimpanzés aussi, entre parenthèses, chez les primates, c'est une particularité de l'espèce humaine. Mais les anthropologues et les paléo-anthropologues vous diront que le fait que la femme ayant conçu plusieurs enfants dans des durées de vie et des espérances de vie historiques courtes a permis la constitution de la cellule familiale, l'éducation, etc., et représente un avantage évolutif. Donc, faire attention à ne pas tout ramener à la biologie. Naturellement, il y a beaucoup d'autres composantes sur la fertilité humaine, sur la composition de la famille et sur l'évolution de la fertilité, du contrôle de la conception chez les humains. La méthode scientifique, Nicolas Martin. Kids, kids, kids, kids, I don't want no kids. Kids, I don't want no kids. They cry at night, they smell so bad. No Kids de Lilywood and the Prick sur France Culture à 16h33. Nous parlons de fertilité aujourd'hui et de savoir dans la méthode scientifique s'il existe et si l'être humain traverse en ce moment ce qu'on pourrait qualifier de crise de la fertilité. Nous en parlons avec Rémi Slama qui est épidémiologiste à l'INSERM, président du conseil scientifique du programme national de recherche sur les perturbateurs endocriniens et en duplex depuis les studios de nos camarades de France Bleu Armorique Arène avec Bernard Jégou qui est directeur de recherche à l'INSERM et directeur de la recherche à l'école des hautes études en santé publique. Alors on va faire un peu une sorte de petit détour entre guillemets pour comprendre les liens qui sont des liens complexes de la fertilité et des mécaniques hormonales et ou génétiques. Eh bien, nous avons fait comme chaque jour, nous sommes allés faire décidément des expériences sur Antoine Beauchamp, non pas sur Antoine Beauchamp, mais avec Antoine Beauchamp. Bonjour. Bonjour Nicolas. Bonjour à toutes. Bonjour. Des expériences de pointe, notamment autour du rôle d'une protéine dont le dérèglement pourrait être à l'origine de plusieurs pathologies, dont l'adénome à prolactine. Oui, j'ai rencontré Nadine Binard, qui est responsable de l'unité INSERM reproduction et régulation de l'axe hypothalamo-hypophyso-gonadique à la faculté de médecine de l'université Paris-Sud. Elle m'a expliqué les travaux qu'elle mène avec son équipe sur deux types de pathologies. Tout d'abord, l'insuffisance ovarienne précoce, en d'autres termes la ménopause précoce, une pathologie qui touche une femme sur 100. Mais elle m'a aussi parlé de travaux menés il y a quelques années par son équipe sur la trop forte sécrétion chez certaines femmes de prolactine, une hormone liée à la lactation qui, produite en trop grande quantité, entraîne une infertilité chronique. Donc il y a une pathologie qui s'appelle l'insuffisance ovarienne primaire ou ménopause précoce, dont les femmes sont atteintes avant l'âge de 40 ans. Donc on travaille sur des problèmes très fondamentaux, essayer de comprendre les mécanismes de cette maladie d'une part, et l'autre part, c'est une infertilité liée aux hyperprolactinémies. C'est donc une pathologie qui touche l'hypophyse. L'hypophyse est une petite glande dans le crâne, et cette petite glande produit une hormone qu'on appelle la prolactine, qui est une hormone de la lactation, et lorsque cette glande fonctionne mal, il y a également une infertilité. Donc ça, c'est une découverte que vous avez faite il y a 4-5 ans. Oui, c'est pas une découverte. On a compris le mécanisme d'une pathologie, donc on ne comprenait pas grand-chose. En réalité, lorsque cette prolactine est trop produite, il y a un adénome, les cellules se prolifèrent trop rapidement, fabriquent trop de prolactine, qui est, je le rappelle, l'hormone de la lactation, dans des conditions donc tout à fait physiologiques. Alors, lorsque ce n'est pas physiologique, ça devient pathologique, on a une infertilité, dont on dit qu'elle est centrale, puisque c'est là-haut que ça fonctionne. Et donc, ce qu'on a mis en évidence, nous, c'est que, en réalité, la cause de cette infertilité est expliquée par l'intervention de neurones qui sont au-delà, enfin, en amont de la régulation hypophysaire dans l'hypothalamus, tout simplement parce qu'il y avait eu des études qui ont révolutionné le mécanisme de la compréhension de la fertilité il y a maintenant plus de 15 ans et qui montrent qu'il y a des noyaux particuliers qu'on appelle les noyaux Kennedy qui produisent une protéine qui s'appelle la kisspeptine et qui, elle, est le chef d'orchestre de la mise en place de la puberté et, de la, et des étapes qui vont suivre après. Donc c'est la découverte d'un mécanisme moléculaire qui permet d'expliquer pourquoi, quand on a un adénome à prolactine, on devient, on ne fait plus d'ovulation, on est en anovulation. Et du coup, est-ce que ça a permis de mettre en place des traitements pour... Alors, on a des traitements qui permettent de passer au-delà, c'est-à-dire qu'on peut donner des pompes à GnRH. Donc, la GnRH est l'hormone qui gouverne la synthèse et la sécrétion des gonadotrophines synthétisées elles-mêmes par l'hypophyse. Et ce qu'on a fait dans un article qui va bientôt être publié, c'est qu'on a injecté de la kisspeptine elle-même à des femmes pour rétablir l'activité de leur cycle. C'est ce qui a très bien marché. D'accord, donc c'était une infertilité. Finalement, qui peut être transitoire, voilà. Chronique, voilà. Si on en revient à l'insuffisance ovarienne primaire, quelle piste vous envisagez dans la recherche, de quel côté vous vous tournez? Alors, nous, on aborde la question par des méthodes génétiques. Alors, ce qu'on fait, c'est qu'on utilise le sang des femmes, on regarde leur ADN et on essaie de regarder dans ce patrimoine génétique quels sont les gènes qui potentiellement ne fonctionnent pas ou sont altérés. Et pour cela, on aborde la question en faisant un exo, c'est-à-dire toute la séquence des codantes de l'ADN de ces femmes, et on recherche des gènes qui sont altérés, on en sélectionne une partie, parce que quand on fait ça, on commence avec 80 femmes, on a 2-3 millions de variants, et ce qu'on essaie de faire, c'est de pister les gènes qui sont potentiellement délétères. Alors là, on va aller aux cellules, parce que parmi les gènes qu'on a isolés, on y en a un certain nombre qui n'étaient pas du tout impliqués dans la fertilité et que l'on va dont on a trouvé des variants de ces gènes. Et donc on suspecte qu'il ne fonctionne pas bien. Et pour le démontrer, on a soit des modèles souris, soit des modèles cellulaires. Et là, on est en train de trier des cellules dans lesquelles on a réintroduit la mutation qu'on a retrouvée chez les femmes et on utilise ces cellules. Alors, vous allez les voir. Là, on est sur quel type cellulaire ? KGM, les cellules... Donc, ce sont des cellules humaines qui sont immortalisées, dans lesquelles on a mis des molécules qui empêchent l'expression normale de la protéine dont on suspecte qu'elle a un effet. Et cette protéine en question, c'est quelle protéine ? Alors, pour le moment, elle n'est pas encore publiée. Ça reste un secret de laboratoire. Bon, écoutez, je n'aurai pas de scoop aujourd'hui, malheureusement. Pas aujourd'hui. Alors, ce qu'on a fait, c'est qu'on a transfecté des cellules. Et là, on essaie d'isoler des populations clonales, c'est-à-dire des populations qui vont toutes donner la même chose. Et ensuite, on va analyser ces cellules au microscope. Et on va aussi regarder l'expression des protéines qui sont fabriquées par ces cellules. Et vous me disiez à l'instant, alors est-ce que j'ai peut-être pas bien compris, mais que cette protéine en question ne comptait pas forcément a priori dans... Non, parce que c'est une protéine, tu peux peut-être en dire un tout petit peu plus, ces protéines dont on parle, c'est une protéine qui intervient dans le mécanisme de la folliculogénèse, c'est-à-dire dans le mécanisme de la la façon dont l'ovocyte va se développer tout au long de la période qui va de l'ovaire fœtal à l'ovulation. Et donc là, dans ce que vous me dites, il y a quelque chose qui m'interpelle, c'est que les pistes qui sont suivies pour mieux comprendre l'infertilité, c'est les hormones, les gènes, c'est vraiment les deux pistes essentielles pour comprendre ces questions-là. Si vous voulez, on comprend très bien maintenant comment fonctionnent les hormones. On a à peu près la totalité des mécanismes sont élucidés. Ce qu'on ne sait pas, en revanche, c'est la façon dont la folliculogénèse ovarienne se développe. On a plein de pistes, on a plein de facteurs, on a plein de choses qui sont déjà évaluées. Et là, il y a encore quelques petites boîtes noires. Et donc parmi nous, les sujets de recherche qu'on aborde, c'est effectivement la recherche des gènes qui sont manquants dans ces boîtes noires. Si bien que je vous parlais des millions de variants qu'on avait isolés, on a après stratifié notre recherche et on s'est concentré sur un pool de 420 gènes dont on a potentiellement des idées qu'ils pourraient intervenir dans ce processus. Et parmi ces 420 gènes, on en sélectionne certains. Et vous voyez que pour étudier un seul gène, ça prend énormément de temps, donc on a encore beaucoup de travail. Voilà le reportage du jour signé Antoine Beauchamp autour de cette adénome à prolactine. Peut-être une question, une réaction à ce que vous venez d'entendre dans un premier temps. On parlait tout à l'heure de l'augmentation du nombre de cancers de l'utérus, on parlait des bébés distilbènes, on parlait de l'augmentation aussi significative des cancers précoces des testicules. Aujourd'hui, on constate effectivement de facto une augmentation de ce nombre de pathologies des appareils reproductifs et chez l'homme et chez la femme, Rémi Slama. Eh bien, chez l'homme, il y a ces indices qu'on a déjà évoqués et qui, clairement, pour le cancer du testicule, sont des preuves formelles et très nettes en France et dans la plupart des régions d'Europe et en fait du monde, à part au Japon, où ça n'augmente pas. Pour ce qui est des malformations des organes reproducteurs, on a moins de données, notamment parce que, heureusement, les malformations des organes reproducteurs masculins mettent pas la survie du petit garçon en jeu, donc elles sont un petit peu moins systématiquement et homogènement enregistrées par les pédiatres et les sages-femmes à la naissance. Dans quelques régions du monde, il y a des éléments qui suggèrent qu'effectivement cryptorchidie ou hypospad sont en augmentation depuis quelques dizaines d'années. Bernard Jégou. Oui, j'ajouterais à ce que dit Rémi chez la femme. On a parlé de l'endométriose tout à l'heure, qui est vraiment cette maladie invalidante, douloureuse, qui peut mettre en péril la fertilité et qui touche souvent des très jeunes femmes, des femmes plus âgées aussi. On parle de 10%. En France, les statistiques sont de 10%. Une personne sur 10, c'est quand même très très élevé. Alors la difficulté, et j'ai parlé il n'y a pas très longtemps à Nantes avec des cliniciens très spécialisés, c'est celle du diagnostic. Et puis la difficulté, Rémi l'a bien souligné, c'est celle des registres notés et avoir une organisation, un quadrillage au niveau national qui permettrait d'enregistrer ces anomalies, ces pathologies ou l'ensemble de ces difficultés. Mais si vous permettez, j'aimerais bien revenir sur le reportage sur l'adénome prolactine. D'abord, c'est une belle avancée. Les travaux de Nadine Binard, de son groupe à l'INSERM, marquent vraiment au niveau international sur cette question-là. Ça touche environ 9 à 17% des femmes, mais on rencontre ça aussi chez l'homme et même chez l'adolescent, petit garçon à la puberté. Alors ça correspond à des poussées de lait. Chez les femmes, Nadine l'a dit, ça peut conduire au blocage des règles, mais chez l'homme, ça peut conduire à des problèmes d'érection. Et en fait, le diagnostic est important dans la mesure où un adolescent qui a ses seins qui se met à pousser avec des gouttes de lait qui peuvent sortir, vous imaginez le stress que ça peut représenter. Mais il y a une bonne prise en charge médicale. On sait par exemple chez la femme, mais aussi chez l'homme, que la prise d'antidépresseurs ou d'opiacés peut être la cause du déclenchement de cette pathologie. Pour d'autres risques environnementaux ou d'autres facteurs environnementaux, on n'a pas de données encore. Ça se traite bien, hein, ceci dit. Alors, on va parler des facteurs environnementaux qui sont importants. J'aimerais tout de même qu'on dise deux choses, parce qu'on a beaucoup parlé effectivement des pathologies, ou en tout cas des études qui sont faites chez l'homme et chez dans l'appareil reproductif masculin. J'aimerais qu'on dise un mot tout de même aussi de ce que l'on sait. On a parlé un peu d'endométriose, mais de deux choses qui touche particulièrement les femmes. C'est d'une part ce que l'on entendait tout à l'heure, c'est-à-dire l'insuffisance ovarienne prématurée, l'IOP, ou la ménopause qui arrive trop tôt, ou dans le sens inverse, des pubertés dites précoces qui la touchent 10 fois plus les jeunes filles que les jeunes garçons. Quelles sont là-dessus les statistiques dont on dispose? Est-ce qu'on a surtout le début de l'origine d'une responsabilité ou d'une cause pour cela, Bernard Jégou? Alors, là aussi, vous avez raison, parce qu'il s'agit d'indicateurs, y compris de débats publics, d'ailleurs, puisque les résultats sur la cartographie de la ménopause précoce chez les petites filles en particulier a été publié dans la presse avant d'être publié dans un journal scientifique et pas sans poser de problème. C'était de la puberté précoce, hein, pardon, je vous corrige, mais c'était sur la répartition avec, on a vu des pics épidémiologiques très très forts dans le sud-ouest absolument. Et dans le centre-est, et vous avez dit ménopause, c'était puberté précoce. Puberté précoce, c'est vrai, parce qu'on a aussi parlé de... Alors, étant donné, on l'a dit, qu'on a beaucoup de mal à suivre ça d'un point de vue clinique, on peut se tourner vers l'expérimentation animale. En fait, on a montré, aussi bien chez la femelle, la rate ou la souris, comme chez le mâle, le rat ou la souris, là aussi, que différents agents chimiques ou des médicaments, etc., pouvaient agir dans un sens d'ailleurs comme dans l'autre. On pouvait manipuler la survenue précoce de la puberté ou la retarder, par exemple, chez les rongeurs de sexe mâle. Et donc, on sait que le milieu extérieur influe et peut influer d'un point de vue expérimental. Toute la difficulté, bien sûr, c'est là encore dans le mystère des interactions des humains avec leur environnement, voire les environnements, y compris l'environnement de travail. Vous voyez, simplement pour une femme de travailler de nuit est un facteur bien établi maintenant d'augmentation du risque du cancer du sein. Donc, percer ces mystères, c'est tout le travail auquel on s'appelle, et en ne privilégiant aucune approche, l'expérimentation animale, l'épidémiologie, on entendait Nadine Bénard parler de la génétique, bref, il faut que la pluridisciplinarité et l'interdisciplinarité s'expriment, et je dois dire qu'on a la chance en France d'avoir une communauté scientifique qui est très ouverte à l'échange et à la confrontation des disciplines et des résultats. Je précise pour nos auditeurs qu'on parle de puberté précoce pour l'apparition de signes sexuels secondaires à partir de 8 ans chez la fille, à partir de 9 ans chez le garçon. En l'occurrence, l'étude à laquelle vous faisiez référence, qui avait fait grand bruit, effectivement, qui a été publiée dans la presse et qui notait une épidémiologie préoccupante dans le sud-ouest et dans le centre-est, évoquait la proximité notamment des écoles, des petites écoles, avec des exploitations agricoles, et donc vraisemblablement avec l'utilisation de pesticides. Est-ce qu'il y a d'autres études aujourd'hui qui peuvent avérer une influence directe, des perturbations endocriniennes fortes liées à l'emploi de ce type de produits phytosanitaires, Rémi Slama? Sur la puberté précoce, à ma connaissance, il y en a assez peu qui forment, en tout cas, on n'est pas au stade où ça forme chez l'humain un corpus scientifique complètement convaincant. Mais il faut dire qu'il y a pas beaucoup de moyens et pas énormément d'efforts qui sont faits pour avoir une étude très fine de cette puberté précoce. Les pédiatres, les endocrinologues, des fois tirent l'alarme sur ces problèmes, mais il n'y a pas encore de suivi convaincant. Comme disait Bernard, il ne faut pas se limiter à une seule approche. Et donc, dans ce contexte-là, c'est très important d'avoir des pistes, des signaux qui sont générés par la toxicologie. Ce serait bien aussi d'avoir de belles études épidémiologiques, mais en fait, ça nécessite de mettre en place des cohortes avec un recrutement précoce, c'est-à-dire en fait de femmes au tout début de leur grossesse, qu'on suivrait jusqu'à ce que leur petite fille ou leur petit garçon atteigne l'âge d'une douzaine d'années. C'est ce qui est en place. Dans le centre de Bernard Jégou, d'ailleurs, il y a une très belle étude qui s'appelle Pélagie qui va nous renseigner davantage sur ces effets environnementaux sur la puberté. Les chiffres dont je dispose, hein, qui c'est une étude 2000, sur une période 2011-2013, sur de 3519 cas de puberté précoce, on arriverait à des taux de 2,68 cas pour 10 000 chez la petite fille, chez les fillettes avant 8 ans, et 10 fois moins 0,24 cas pour 10 000 chez le petit garçon. Oui. Voilà. Bernard Jégou, oui. Oui. Un facteur qui est là, bien établi, hein, sur la puberté précoce, c'est l'épidémie d'obésité. Et le surpoids est un facteur très important, dans la mesure où, on le sait, non seulement dans l'espèce humaine, mais dans toutes les espèces animales, vous avez, si vous voulez, une balance entre ce qu'il faut au corps pour qu'il puisse se débrouiller physiquement. Il faut qu'il fonde son socle musculaire, squelettique, etc. Et ça, quand c'est fait, en particulier, il y a une hormone dans la masse graisseuse qui s'appelle la leptine. Elle envoie un message au cerveau qui dit, en gros, voilà, je suis une petite fille, un petit garçon, je suis prêt à développer maintenant tout ce qui relève de ma puberté afin que je puisse procréer plus tard. Et donc cette balance entre le poids corporel, la masse de lipides et le déclenchement de la puberté est bien établie d'un point de vue expérimental, mais aussi chez les humains. Et il est clair qu'avec l'épidémie d'obésité à laquelle on assiste, qui est relativement moins forte en France que dans d'autres grands pays développés, mais qui malgré tout se produit, ça peut impacter aussi naturellement les indicateurs que vous donnez sur la puberté précoce. Mmh. Alors pourquoi cette différence chez la petite fille que chez le petit garçon ? Eh bien là, on est complètement démunis actuellement pour donner une explication particulière. Alors j'aimerais, il nous reste une petite dizaine de minutes, j'aimerais qu'on parle un peu des causes avérées et encore des causes putatives. Évidemment, on tourne un peu autour du pot depuis le début de cette émission. On a entendu prononcer plusieurs fois la notion de perturbateur endocrinien. Par exemple, il y a un autre auditeur qui demande, et on sait qu'il y a eu des études et des conséquences, par exemple, de la présence d'œstrogènes de synthèse dans l'eau qui avait des effets sur les poissons, qui les faisaient changer de sexe. On sait qu'aujourd'hui, ça fait partie des perturbateurs endocriniens auxquels nous sommes tous collectivement confrontés. Il y a évidemment le bisphénol A qui a été interdit, mais qu'on trouve encore dans certains emballages. Aujourd'hui, que nous dit Rémi Slama, que nous disent les études qui ont été faites à ce sujet-là, tant sur la production et la baisse de la qualité de la production spermatique chez l'homme, que sur les éventuels cas de puberté précoce, de ménopause précoce et de perturbation générale de nos cycles reproductifs. Alors, donc, effectivement, si on élargit la question aux effets et aux facteurs de risque de problèmes de fertilité en général chez la femme comme chez l'homme, on a évoqué déjà les facteurs génétiques tout à l'heure. Ils ont un rôle, mais ce ne sont pas eux qui peuvent expliquer des tendances temporelles fortes, parce que pour qu'un polymorphisme génétique, une mutation génétique se répande dans une population humaine, il faut plus que quelques dizaines d'années, qui est l'ordre de grandeur de temps auquel on assiste à ces détériorations de la fertilité masculine. Donc il y a ces facteurs génétiques qui peuvent quand même être des facteurs de risque. Les facteurs sociodémographiques, on les a évoqués, l'âge. Les facteurs qu'on peut qualifier de comportementaux viennent d'être évoqués par Bernard Jégou, et effectivement le surpoids est un facteur très très important à considérer. Le tabagisme est aussi important, et on se rend compte que non seulement le tabagisme à l'âge adulte peut avoir un impact sur la fertilité de la personne qui fume, mais en fait le tabagisme de la femme enceinte va avoir des conséquences très nettes à la fois sur son petit garçon, et notamment son volume testiculaire, ses caractéristiques spermatiques, et aussi sur la petite fille, et notamment sur leur délai pour obtenir une grossesse. Ce qui est préoccupant, parce que l'enquête nationale périnatale de l'INSERM et du ministère de la Santé vient de nous rappeler qu'en France, environ 17% des femmes fument sur l'ensemble de la grossesse. Voilà, maintenant, il y a aussi des facteurs infectieux dont le rôle est connu, par exemple des infections à chlamydia qui vont augmenter le risque d'avoir une obstruction des trompes de Fallope. Et puis, effectivement, ces facteurs environnementaux autres, de nature chimique ou physique, qui sont extrêmement nombreux. Ceux qui sont établis, c'est notamment les rayonnements ionisants. Ça va altérer à la fois les caractéristiques spermatiques, la réserve ovarienne. De quel rayonnement vous parlez ? Là, je parle vraiment de la radioactivité. D'accord. Donc, c'est pour ça que quelqu'un qui va être traité pour cancer, par exemple, ça peut être une préoccupation pour, notamment, oui. Il y a de plus en plus de gens qui survivent très bien, heureusement, des enfants qui survivent à un cancer. Les médecins font très attention à limiter l'exposition des gonades lors des traitements de radiothérapie. Un autre type de rayonnement qui est pas ionisant, c'est la chaleur. Le testicule fonctionne bien à 2 degrés en dessous de la température du corps. Et c'est, voilà, c'est pour ça que les testicules sont à l'extérieur de l'organisme. La chaleur n'est pas bonne pour la production de spermatozoïdes. Et puis, pour ce qui est des facteurs purement chimiques, les éléments les plus clairs chez l'humain, et ça concerne notamment les polluants organiques persistants. Voilà, exemples. C'est ça qui nous intéresse. De quoi parle-t-on concrètement? Alors, ces polluants organiques persistants, ça désigne juste simplement des molécules chimiques qui sont faites d'atomes de carbone et qui sont typiques du vivant. Il y en a beaucoup et ils ont été typiquement produits à partir des années 1930. Les polluants emblématiques, ça va être l'insecticide DDT, qui peut tout à fait avoir un effet, notamment sur l'âge aux premières règles. C'est aussi un facteur de risque de cancer du sein, d'ailleurs. Le DDT, on a vu ça hein, sur des études épidémiologiques de populations venant notamment d'Amérique du Sud, d'Asie, qui utilisaient encore beaucoup le DDT comme désinsectisant, et on voyait une surabondance de cas de problèmes de défaillance de fertilité. Donc ça, effectivement, des liens ont été établis de manière assez claire. Oui. Les pesticides organochlorés, ça inclut aussi un exemple historique qui est celui du dibromochloropropane, qui était utilisé dans la culture notamment de la banane, si je me trompe pas, et qui causait vraiment des cas d'azoospermie chez ces travailleurs. Il y avait vraiment réellement plus de spermatozoïdes dans le liquide séminal. Et puis la famille des PCB, les polychlorobiphényles, qui étaient aussi utilisés comme agents isolants et qui, comme ils sont très persistants, sont encore présents dans notre organisme, ont un effet probablement à la fois sur ces caractéristiques spermatiques et aussi sur le délai pour obtenir une grossesse des couples. Alors on pourrait continuer la liste est assez longue et on va vous mettre un certain nombre d'études sur le fil Twitter concernant effectivement les liens suspectés ou avérés d'un certain nombre de perturbateurs endocriniens sur justement la fertilité, les mécanismes reproductifs. Mais Bernard Jégou, vous parliez aussi, puisqu'on parlait de la grossesse, vous parliez d'un effet cocktail chez la femme enceinte d'exposition à ce type de produit. Oui, voilà. En fait, on estime qu'il y a environ, c'est une estimation, 100 000 produits chimiques dans notre environnement général, et on se rend bien compte des limites, même si nous le pratiquons nous-mêmes, du criblage des activités des produits chimiques un par un. D'autant plus que la preuve du concept du fait que des produits chimiques en mélange exacerbent les effets de chacun des produits chimiques est établie chez de nombreuses espèces. La difficulté intrinsèque chez les humains, c'est qu'on ne peut évidemment pas injecter des mélanges aux humains. Et c'est là, encore une fois, que le travail des épidémiologistes, comme Rémi et tous les épidémiologistes qui travaillent dans le monde sur des cohortes, notamment, le travail des biologistes, des toxicologues, comment mettre nos compétences en commun pour réussir à vérifier que ces mélanges et les produits dont Rémi a parlé. On peut y ajouter les médicaments. Il y a des médicaments qu'on a un petit peu oubliés là, mais il l'a dit aussi, les choses socio-récréationnelles comme le tabac, l'alcool. Donc comment ces mélanges arrivent-ils à différentes fenêtres de vulnérabilité, comme pendant la grossesse, chez l'enfant, chez l'adolescent, au moment de la puberté, à faire dérailler les équilibres hormonaux et avoir des conséquences aussi bien chez la femme que chez l'homme sur leur fertilité ou sur d'autres éléments évidemment de leur santé. Mais les études sont encore assez incomplètes à ce niveau-là. On aura l'occasion de reconsacrer une émission précisément à ces questions-là puisque l'heure tourne et nous arrivons déjà à la fin de notre émission. Merci beaucoup en tout cas à tous les deux d'avoir accepté notre invitation. Merci beaucoup Rémi Slama, merci Bernard Jégou, merci également à nos camarades de France Bleu Armorique à Rennes qui ont rendu ce duplex possible. Vous pouvez retrouver cette émission, tous les liens que nous avons postés sur notre fil Twitter, à la fois à la méthode FC et sur la page sur le site de France Culture, la méthode scientifique. Et merci à toute l'équipe de la méthode scientifique, Noémie Naguette-Saint-Vulfranc, Eve Etienne, Céline Lozen, Antoine Beauchamp, Hugo Bartholomé, Elisabeth Miro à la réalisation, Jacques Azubert à la technique, Jean-François Souvilly au droit d'auteur. La suite de vos aventures sur France Culture, tout à l'heure après le journal de 18h, ce sera l'heure du grain à moudre. Hervé Gardette demandera ce soir à ses invités si la rue est victime de harcèlement judiciaire. Dans quelques instants, ce sera la nouvelle série documentaire de la semaine, Faites sauter les banques, quand les banques deviennent toxiques, par Rémi Doua et Assia Khalid. Pour ce qui nous concerne, eh bien demain, nous remonterons au tout début de ce que nous connaissons, là où l'œil humain n'a jamais mis le pied. Le Big Bang, est-ce le seul modèle? Quelle théorie alternative? Réponse demain à 16h, jusqu'à preuve du contraire.